Ah salut. Attends, je suis en train de faire un test. Est-ce que tu connais ce morceau ? Ça s'appelle Nicole. J'aimerais bien essayer de la faire, mais tu sais, il y a deux passages. Il y a un coupé et un refrain. Ça fait comme ça. Petits arpèges à la guitare. Les arpèges, ça fait. Toujours pareil. Là. Je te le fais en partant. Ouais, ça comme ça. Je fais les notes, hein. Je vais partir à 1. Par contre, je sais pas le nombre de mesures qu'il faut. Hein. Ah, je te fais le truc, attends. Et après, c'est... il y a un couplet et après c'est refrain. Attends. C'est ça. Après, je vais le faire avec le chant. Et si tu fais ça, tu me feras plaisir. Je vais faire. Alors, il y a ça, et après, le couplet, ça fait.